De quoi tu parles, à quoi tu te fies quand tu te défonces, tu te défiles, y'en a qui vivent pendant que tu pionces, pendant que tu te niques, y'en a qui foncent des tout. Faut que tu tiennes le coup, que tu t'accroches un point, c'est tout. De quoi tu parles, à quoi tu te fies quand tu te défonces, tu te défiles, y'en a qui vivent pendant que tu pionces, pendant que tu te niques, y'en a qui foncent des tout. Faut que tu tiennes le coup, que tu t'en sortes un point, c'est tout. Tu vagues à l'âme, t'es curieux, furieux, avide de nouvelles expériences, tu ne prends personne au sérieux. Tu penses avoir le contrôle, tu te crois plus malin que toi. Et puis c'est dans ton verre que tu te noies. T'as toujours ton matos, t'oublies jamais ton feu. Tu penses qu'à ça, quand est-ce que tu vas rentrer à la casa. Enfin, t'en roulais un, t'en jetais un. C'est ça la routine, la même le lendemain. Malgré les mises en garde, tu te mets en danger. T'enchaînes verre sur verre, pourtant tu sais que tu vas manger. Tu t'énerves, le verbe haut parano. Tu penses que les gens parlent dans ton dos. La mine défaite, tous les prétextes sont bons, t'as le mauvais rôle, t'enterres chaque journée comme une défaite. T'as pas d'autre passe-temps, les jeux sont faits, c'est pas sans frais, tant qu'il y aura des bouteilles au frais. De quoi tu parles, à quoi tu te fies quand tu te défonces, tu te défiles, y'en a qui vivent pendant que tu pionces, pendant que tu te niques, y'en a qui foncent des tout. Faut que tu tiennes le coup, que tu t'accroches un point, c'est tout. De quoi tu parles, à quoi tu te fies quand tu te défonces, tu te défiles, y'en a qui vivent pendant que tu pionces, pendant que tu te niques, y'en a qui foncent des tout. Faut que tu tiennes le coup, que tu t'en sortes un point, c'est tout. Tu accumules les ratés, les fautes, rien à foutre. Les barrières sautent les unes après les autres. Tu oublies tout de ton éducation, de ce qui compte pour toi. Quand tu mets ton nez dans ce truc-là, un rat et un sniff pour commencer, t'es défoncé. Mais t'as pas fini de t'enfoncer. Le manque te pousse, quand tu n'auras plus rien en poche, tu iras détrousser tes proches. On ne te reconnaît plus dans le quartier, les gens parlent, chuchotent tout bas. Tu ne comptes plus les coups bas, plus rien n'a d'importance. Désormais tu fumes du crack, tu te marginalises, la bague te traque. Tu quémandes ton subu en garde à vue, faisant l'inventaire de tous ceux que tu as déçus. De tout ce que tu ne feras plus, tu erres tel un ange déchu. De quoi tu parles, à quoi tu te fies quand tu te défonces, tu te défiles, y'en a qui vivent pendant que tu pionces, pendant que tu te niques, y'en a qui foncent des tout. Faut que tu tiennes le coup, que tu t'accroches un point, c'est tout. De quoi tu parles, à quoi tu te fies quand tu te défonces, tu te défiles, y'en a qui vivent pendant que tu pionces, pendant que tu te niques, y'en a qui foncent des tout. Faut que tu tiennes le coup, que tu t'en sortes un point, c'est tout.